We'll be right back.

Tu t'accordes aussi.

Thank you. Mais non, c'est vraiment pas vrai en plus. C'est trop fort, Titi, arrête. Tout le monde le sait. Pour savoir ce qu'ils font les gars, tu cliques sur solo, comme ça je les entends. Thank you. Hermano, sa boîte, tu déchires. Tu peux faire partie de mon groupe virtuel avec grand plaisir. Par contre, il faut un blaze. Lucas, moi je te connais. Et sur le groupe virtuel. Thank you. Thank you.